jeune homme. Ton ex, c'est ma femme. Son homme. Aujourd'hui, je peux plus t'appeler. Mayotte. La première. RFI, il est 18h en temps universel, 19h à Niamey, 1h de plus à Paris. RFI Soir, Léa Boutin-Rivière. Bonsoir à toutes et à tous et merci si vous nous rejoignez pour cette demi-heure d'actualité internationale. Nouvelle discussion autour du Niger. Finalement, la CEDEAO n'a pas mis à exécution sa menace d'une intervention militaire malgré l'expiration de l'ultimatum donné aux putschistes. L'organisation ouest-africaine a choisi de se réunir à nouveau jeudi pour faire le point. Les tensions grimpent en mer de Chine méridionale. Les Philippines ont convoqué l'ambassadeur chinois à Manille après des tirs de Pékin contre un navire philippin dans cette zone maritime disputée et les frictions pourraient encore augmenter, vous l'entendrez. Dans cette édition également, cela fait un an aujourd'hui que la Colombie a élu son premier président de gauche, Gustavo Petro, anniversaire entaché par un scandale autour du financement de sa campagne. Et puis au Royaume-Uni, le gouvernement durcit le ton pour limiter l'immigration. Dialoguer pour trouver un terrain d'entente au Niger, malgré l'expiration de son ultimatum à destination des militaires putschistes, la CEDEAO n'a pas mis à exécution sa menace de déclencher une opération armée. Le CNSP, qui a renversé le président Bazoum, n'a pas cédé aux exigences de l'organisation sous-régionale, à savoir redonner le pouvoir au chef d'État déchu. Ce dernier est par ailleurs toujours retenu. Alors, Amélie Tulé, la communauté ouest-africaine a convoqué un nouveau sommet pour évaluer la situation. Les dirigeants de la CEDEAO vont donc se retrouver une nouvelle fois pour parler du Niger. Ce sera jeudi à Abuja, à la demande du président nigérian Bola Tinubu, président en exercice de l'organisation régionale. Durant le week-end, plusieurs voix sur le continent ont appelé à privilégier la négociation. Ce lundi encore, des appels en ce sens ont été formulés, notamment en Europe. L'Allemagne estime que les efforts de médiation n'en sont qu'à leur début. En Italie, le ministre des Affaires étrangères plaide pour que l'option de la guerre soit reportée le plus possible. Selon nos informations, une diplomate américaine, Victoria Nuland, s'est déplacée à Niamey. Du côté des soutiens aux militaires putschistes, l'armée malienne a annoncé aujourd'hui l'envoi au Niger d'une délégation conjointe avec le Burkina Faso. Les deux pays veulent témoigner au peuple du Niger leur solidarité. Pour le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, les organisations comme la CEDEAO n'ont pas compris que les sanctions ne sont pas la solution. Au Mali comme au Niger, dit-il, nos populations ont la capacité, l'intelligence et la force de pouvoir forger des compromis politiques. Vous l'entendiez, le Nigeria, dont le chef d'État Bola Tinubu préside la CEDEAO, s'implique dans la situation. Pourquoi cette implication? Quels sont les enjeux pour le président Bola Tinubu? On y revient avec notre invité de la mi-journée, Vincent Iribaren, maître de conférence à l'université King's College de Londres. Ce sera dans quelques minutes. Et puis sachez également que les militaires, auteurs du coup d'État, ont demandé à la CEDEAO de revenir à Niamey, d'après des propos du Premier ministre Oumoudou Mahamadou, interrogé par nos confrères de TV5 Monde. Les anciens rebelles Touareg pointent du doigt l'armée malienne et le groupe Wagner dans le nord du Mali. D'après un communiqué de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad qui regroupe l'ancienne rébellion, les militaires et leurs appuis russes ont attaqué vendredi une base Touareg, faisant 2 morts. Dans son communiqué, la CMA dénonce l'attitude belliqueuse du gouvernement. Les relations avec les militaires au pouvoir se sont tendues ces derniers mois, au point que les ex-rebelles ont déclaré qu'il ne peut y avoir aucun avenir commun avec Bamako. Sans surprise, le projet de nouvelle constitution centrafricaine validé selon l'autorité des élections. D'après les chiffres publiés aujourd'hui par l'ANE, le texte a été approuvé à plus de 95% lors du référendum de dimanche dernier. L'organe assure aussi que le taux de participation a dépassé les 60%. L'issue du scrutin faisait peu de doutes, le vote ayant été boycotté par les principaux partis d'opposition, les organisations de la société civile et les groupes armés rebelles. Pour rappel, le texte fait polémique, car les opposants y voient un moyen pour le président Touadéra de briguer un troisième mandat en 2025. Nouvelle montée de tension entre les Philippines et la Chine. Manille a convoqué ce lundi l'ambassadeur de Chine au lendemain d'une altercation en mer de Chine méridionale. Les autorités accusent les gardes-côtes chinois d'avoir tiré au canon à eau sur des navires philippins. Mesure illégale et dangereuse selon Manille, là où Pékin assure avoir pris des actions nécessaires et proportionnées. La mer de Chine méridionale est une zone disputée malgré une décision de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye en 2016 selon laquelle Pékin n'a pas de droit historique sur la majorité des eaux stratégiques de cette zone. Le comportement des autorités chinoises en tout cas alimente les tensions qui risquent encore de progresser selon David Camrou, chercheur honoraire senior aux séries et à Sciences Po. C'est la provocation qui a eu comme résultat et le renforcement de l'alliance, pas simplement avec les États-Unis, mais aussi avec le Japon et d'autres pays de la région. Et donc, les Chinois sont en train d'alimenter une sorte de front contre la Chine, ce qui est quand même un peu surprenant avec le changement du président aux Philippines. L'actuel président, Ferdinand Bongbong Marcos, qui est au pouvoir maintenant depuis un peu plus qu'un an, était à son inauguration plutôt sur la ligne de son prédécesseur, c'est-à-dire on va essayer de regarder les bons rapports avec la Chine et avec les États-Unis, mais ils allaient à Pékin pour montrer que voilà, on souhaite rester en bon voisinage, mais c'est pas seulement aux Philippines. L'action de Xi Jinping, je ne sais pas à quel niveau il est de contrôle, fait en sorte que même les pays qui étaient moins hostiles à la Chine deviennent, par la force des choses, plus hostiles. Propos recueillis par Cléa Broderst. Les États-Unis montrent les dents face à l'Iran. Washington a décidé de déployer 3000 soldats en mer Rouge. Objectif, dissuader Téhéran de s'approprier des pétroliers dans la région, comme cela a pu arriver ces derniers mois. Les explications avec Muriel Paradon. Deux navires de guerre américains sont arrivés ces dernières heures en mer Rouge. L'USS Batan, qui peut accueillir sur son pont des avions et des hélicoptères, et l'USS Carter Hall, dédié au transport de troupes. 3000 soldats sont mobilisés, selon l'armée américaine. Ce déploiement de force intervient après de nombreuses tensions avec l'Iran. Les États-Unis accusent Téhéran d'avoir saisi ou d'avoir tenté de s'emparer d'une vingtaine de navires en 2 ans dans la région, notamment dans le Golfe golfe Persique. De nombreux pétroliers y transitent et Washington entend sécuriser les voies de navigation pour assurer ses approvisionnements en hydrocarbures. Le déploiement de l'armée américaine intervient aussi à un moment où l'implication de la Chine se renforce dans la région. Pékin a œuvré au rétablissement des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et l'Iran au printemps dernier. Téhéran a réagi en dénonçant la présence militaire américaine dans la région comme étant un facteur, je cite, d'instabilité et d'insécurité. Muriel Paradon. Cette information en Ukraine, on l'a appris il y a quelques minutes, d'après le président Volodymyr Zelensky, la Russie aurait frappé un immeuble résidentiel dans l'est ukrainien, faisant des victimes. On n'en sait pas plus à ce stade sur leur nombre précis, mais les opérations de secours se poursuivent. C'était il y a un an, jour pour jour, pour la première fois de son histoire, la Colombie se dotait d'un président de gauche. Gustavo Petro, ancien guérillero, a réveillé l'espoir en promettant de se battre contre la corruption, les inégalités, la violence ou encore le changement climatique. Mais au lieu de célébrer cette première année, le président Petro est empêtré dans un scandale. Son fils aîné a avoué qu'il a reçu de l'argent de la part de trafiquants de drogue et d'hommes d'affaires liés au crime organisé. Des sommes qui ont en partie servi à financer la campagne électorale de Gustavo Petro, ce qui entache le bilan du président, comme la presse du continent américain le pointe, Stéphanie Schuller. La caricature s'étale en première page d'El Universal. Tel un cow-boy, Gustavo Petro tente de se tenir sur le dos d'un taureau du rodéo pour illustrer sa première année mouvementée à la présidence colombienne. En 12 mois, le chef de l'État a réussi à faire baisser le chômage et l'inflation, à adopter une réforme fiscale et à rendre gratuites les études de premier cycle dans les universités publiques, avec pour résultat une hausse spectaculaire des inscriptions, se réjouit la Hora. En revanche, les grandes réformes sociales concernant la santé, les retraites et le travail sont restées lettres mortes, regrette El País. Le gouvernement n'a pas de majorité au Parlement et le soutien d'autres partis s'est peu à peu effrité. El Heraldo dénonce l'enfermement idéologique de Gustavo Petro, qui s'entoure exclusivement de personnes qui partagent ses idées mais qui ne sont pas qualifiées pour les postes auxquels elles sont nommées. Malgré le scandale de financement illicite de sa campagne, le président lui-même estime être toujours soutenu par une majorité de Colombiens. Dans les colonnes de Semana, Gustavo Petro déclare « S'il y avait des élections demain, je gagnerais à nouveau ». Et ce sujet RFI est revenu en longueur dans le journal d'Haïti et des Amériques de Charlotte de Rouen, à retrouver sur www.. La première. Auprès de toi, Ça m'a trop bousillé de faire semblant d'être bien sans toi. Non, laisse-moi le temps. Laisse-moi juste un instant. Juste un instant. Car depuis que t'es plus là, rien n'est plus comme avant. Comme avant. Loin de toi, y'a comme un manque. Donne-moi le temps de soigner mes peines. Car t'en vaut la peine. Tu me manques. Comme une impression de m'ouvrir les veines. Je repense à cette scène qui me hante. J'ai du mal à vivre sans toi. Sans toi. Ça devient mes maladies, faut sans toi. Sans toi. J'ai du mal à vivre sans toi. Sans toi. Ça devient ma maladie sans toi. Sans toi. Laisse-moi juste un instant. Juste un instant. Car depuis que t'es plus là, rien n'est plus comme avant. Comme avant. Loin de toi, y'a comme un manque. Donne-moi le temps de soigner mes peines. Car t'en vaut la peine. Tu me manques. Comme une impression de m'ouvrir les veines. Je repense à cette scène. Mayotte. La première. Nyanzo pia ti uvane kwa ona piano fania rui sino zana mona miononi hawangina na wami badivo na kora tsakona na wangina masikini roo ingia oma vuala wa wanlisha rikala viana karitu la wana rika mwezina zinyorara kualia ya tumaba furarika na moris kandara konana mabarkariva na rika njwiza waleka kurvenza Pelo kwa sika ya tutama Una wangi no mrengi untua Biru keskiri la watama Sisnara rangu wanilisha Saka ujua Nyanzu pia ti uvani kwa una Pia inofania Ruisi no zana muna Miununi awangina Na wami badivo na kura Sakuna na wangina Masikini roo ingia uma Vuala wa wanlisha Sinana sonori de jana Rika vamo ja uradam na wa Fanya jeje tau endra tau Ruke ikinti hao Na pia na uva kwa zunazo kweli rui kozo Burata kauti yangu Sabu ukia masalam narona ne Nyanzu pia ti uvani kwa una Pia inofania Ruisi no zana muna Miununi ya wangina Na wami badivo na kura Sakuna na wangina Masikini ruingia uma Vuala wa wanlisha Winiro onji mawakana yo Sidilia vasavani Mabaraka na yo ale Sidilia vasavani Unia unitowe dunia Kwa una mavala ufa Yabakide wa miula Ti uvai kwa una piano fanya ruisino zana muna miununi awangina na wami badivu na kura takuna na wangina masikini ruu ingia uma wala wawalisha nyanzu pia ti uvani kwa una piano fanya ruisino zana muna miununi awangina na wami badivu na kura takuna na wangina masikini uingia uma wala wawalisha. Mayotte. La première. Rojo. Royce Kimoro. Rojo. It's an album, Basic Kimoro. Ya, ah, Rojo. Ya, ah, Royce Kimoro. Ya, ah, Rojo. Vamos, Jana, Bodo. Salam na aman jula nwa jema zangu Lijara kujo mambian amani hawenzanu Namjeri kenti radis avasa avasa Ikuro ini pias ili shapa Kele more amtuwani ngazija aumwari Ia wasi wengi naturi songe arsi tambia Stay tare hadisa kila babu Neka kunda more faranta ahuru wa komoro Neka tere namna yomzer somola wavan Somola wavan Neka tere namna yomzer somola wavan. Wande akatem na yadis wet ensemble on fait one two step d'Afrique le fric et la politique a créé la distance sorori parana we riele wana we riele zana we la zimbre wana we rishu mana mana kaina mana majira uparana yo de vinga o manuka kwa horar patana mona projet a bodo ro ro kanankili to karaka mona kon rozi zo bele ora faris bien man si comme il faut secours soli chao murana Tuna umbe Sukur tuka na ufikira moja Tuna mama eshe ya tatuka vej Wasira jale ulilemewa Zahara nefutu mpoza gina Shababi wakati wa upara Rijidelele kame susarki na mesha vora Siyasa mizan Mwaro muison Koli na kinyume Kazi songo buson Salam jula wale wafanya itare Kilalre mangwe, sali chale Mabore faranta, tiski ala madini Komore independence, tiski ala madini Disco yao, ya uzina rahimana Wami disco yao, ngurto alier chie zana Takika nilie, nimbelera nishie Neka huregeo nyuma mwana nyangu naririe Mastere ritsashie, nzozir pashie Kondo de umbel, nimbedrege nipashie Sukur, tolisha umurana Tuna bama siwa ya tuna umbe Sukur, tuka na ufikira moja Si shangiza, masi simliza, masi wa Isenda na undisiza, snani siza Wakatoka laga, spaka kando, rakopa shialaga Ngoma nyombe mbiwi na shakasha Bakoka kore mamrenge bila mashaka Leovani, umani, negaste Hasira lea, zewa shirin, nekasira mbade hasara Moro, usiranda komoro, sihoro Ambasuk mengo na suk basho imane beku Moja de ato ya tiyo joro Sukur tolisha umurana Tuna bama siwa ya tuna umbe Sukur toka na ufikira moja Tuna bama esha ya tuwa tuka fej Wasira jale ulilemewa Zahara nefutu mpoza ngina Shababi wakati wa upara Rijidelele kame susarkina mesha bora Kana kojo tunglesha mtu toka yonti Kila mtu anarahe dhambile kare madho mana maore au daule ya komori Bila ya nyule uvani chiri Maore isu tisa wanadamu wajai Hazirikori nazirabita lizi wane kasi tosha Kumoro kaisu tenda maraya pia watala Wane ulaya wakono zungu wa maisha bora Wanya witalini So yene umbalazi muradis Vanira kabili Karto paradala otasuna yake na maisha bora Non, Caripé, on en voulait de sécurité à la con. Déjà 182 ans. Encore une fois.

Izo kutza mwidi Riswa tulumwe Kuwangu banu kamna mwangali Mparera haro nasa tunie Amtole maga disi abira zize Ay ay ay musula tamila Miyogo na marindi derile ya Wadino muwadinu watu akorua Wakompara jirani akonfulia Akore ngango zangu andra kwanila Izo pia zilatia Lidunia ligawa Ubanu kamwe ziza za ushangita Uwami kamwe nisuria Nisuria Nisuria Uwamo para koko libibitu Sibabu ya wawo denlo utu Sukume bakoko kala usukuma Sibabu ya wawo maore utu Uwamo para koko libibitu Sibabu ya wawo denlo utu Sukume bakoko kala usukuma Sibabu ya wawo maore utu

Mayotte. La première. Taïfna, oh yeah, Léo Benzema, Écoute ta radio en FM sur 101.3. Tu habites au nord de l'île? Écoute ta radio en FM sur 103.2. Sur Mamoudzou? Écoute en FM sur 92. Tu résides sur la petite terre? Écoute ta radio en FM sur 91. Écoutez ça. Tu habites en métropole ou partout sur la planète? Écoute ta radio sur internet www.lapremière.fr. Et tout de suite, votre journal présenté par Zouria Mza. Bonjour Zouria. Bonjour Antua, bonjour à tous. À la une, démolition d'une trentaine de bangas à Dzaoudzi ce matin. Cette opération de 3 jours pour lutter contre l'insalubrité, divers trafics, et c'est suite à un arrêté datant du mois d'avril. Et c'est donc l'opération qui s'est déroulée ce matin. Donc à Dzaoudzi, l'abattoir, je me perds un peu. Les foires de la rentrée scolaire sont de retour à 2 semaines de la reprise des cours. C'est le rush pour les parents et les enfants. En quête de bonnes affaires. Et puis le mondial féminin de football, la France affronte le Maroc ce mardi dans le cadre des 8e de finale. Une rencontre à la portée des Bleus. Cependant, la capitaine tricolore Wendy Renard préfère rester méfiante. Mais auparavant, revenons en bref sur les tensions. Le 8 juillet dernier, dans la commune de Dembéni, des violences qui ont fait 2 blessés à la machette. Plusieurs véhicules ont été dégradés, des vols commis. L'un des auteurs, un jeune majeur d'à peine 18 ans, sans antécédent judiciaire, a comparu devant le tribunal judiciaire vendredi dans le cadre d'une comparution immédiate. Suivant les réquisitions du parquet, il a été condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement et une interdiction définitive du territoire. Il a été incarcéré à l'issue de l'audience. Près d'une trentaine de bangas ont été rayés du paysage ce lundi à Dzaoudzi. Certains en dur ont été construits illégalement sur le domaine public maritime. Une opération qui devrait durer 3 jours. La mise en œuvre d'un arrêté qui date du mois d'avril dernier, qui devrait également permettre de lutter contre certains trafics sur place. Écoutons Sylvia Devas, chargée de la résorption de l'habitat insalubre à Mayotte. Elle est avec Chafanti Alibako et Youssouf Ahmed Matoir. Nous procédons aujourd'hui à la démolition de 27 bangas construits illégalement et qui sont insalubres, dans lesquels étaient occupés par 19 familles qui ont été enquêtées. Sur ces 19 familles, le préfet a fait une proposition d'hébergement à 11 d'entre elles. Donc vendredi, 3 familles avaient accepté les hébergements. Depuis jeudi, il y a une permanence sociale qui se tient au CCAS de Dzaoudzi pour accueillir ces familles et mettre en œuvre les hébergements. 3 ont donc accepté. La permanence est ouverte aussi aujourd'hui pour celles qui souhaiteraient finalement accepter la proposition. Mais ce matin, au moment où nous avons commencé la démolition, il n'y avait plus aucune famille sur site. Donc cette opération a été attendue depuis longtemps. L'arrêté avait été pris par le préfet au mois d'avril. Il y avait eu plusieurs recours et le juge administratif a autorisé le préfet à démolir et à évacuer. Et dans l'actualité également, les foires de la rentrée ont démarré le week-end dernier à Mamoudzou. 3 sites vous accueilleront pour vos achats de la prochaine rentrée jusqu'au 19 août pour la mairie de Mamoudzou, co-organisatrice. Il s'agit de mieux accompagner les commerçants de la commune. Les détails avec Fatima Mswali, élue municipale, porte-parole du conseil municipal. Elle répond à Djamila Swadik. Pour la ville de Mamoudzou, nous organisons la foire pour la rentrée scolaire chaque année, en partenariat effectivement avec les associations des commerçants de la commune pour leur permettre de les valoriser, de les accompagner et les permettre d'accéder à un chiffre d'affaires à des périodes bien précises. Alors, l'intérêt pour ce partenariat est de pouvoir structurer justement l'offre commerciale dans la commune de manière formelle, identifiée dans chaque secteur de la commune, à savoir là, ça va se faire à la rue de commerce de Mamoudzou, au perchoir à Cavani, mais aussi à Kaweni, permet d'identifier vraiment les associations des commerçants dans chaque secteur, de s'organiser, de se structurer en groupe pour avoir une meilleure gestion afin de les accompagner vers une autonomisation et une professionnalisation de leur activité. Poursuivons avec la prolongation du délai de la déclaration du patrimoine immobilier. Si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, vous avez jusqu'au 31 juillet pour déclarer l'ensemble de vos revenus issus de votre patrimoine foncier. La campagne de déclaration est maintenue sous format dématérialisé jusqu'au 10 août. Reika Madi nous en dit davantage sur ce nouveau service en ligne. Cette campagne GMBI comprenait gérer mais bien immobilier. Alors, nous poursuivons en attendant de retrouver Reika Madi pour la bonne version de ce sujet et nous passons au sport donc avec l'équipe de France féminine qui affronte le Maroc dans le cadre des 8e de finale de la Coupe du Monde 2023. Ce sera ce mardi, une rencontre qui semble à la portée de la sélection entraînée par Hervé Renard. Pour autant, la capitaine tricolore Wendy Renard ne sous-estime pas le match face au Lyon de l'Atlas. La Martiniquaise a accordé un entretien à la Fédération française de football. Thierry Belmont nous a sélectionné quelques extraits. Wendy Renard veut garder les pieds sur terre, même si de grosses nations ont été éliminées. Pour la capitaine des Bleus, aucune équipe n'est à négliger, aussi petite soit-elle. Il faut rester tout le temps en alerte et là c'est une nouvelle compétition qui commence. Tu gagnes, tu continues, tu perds, tu rentres chez toi. La Martiniquaise de 33 ans reste le pilier de cette équipe de France. Une 4e Coupe du Monde pour Wendy Renard, un rêve d'enfant qui se réalise pleinement. J'ai rêvé à travers ma télé en Martinique, en regardant l'équipe de France jouer. Quand on a cette chance de porter le maillot de son pays, je pense que la meilleure des compétitions, c'est la Coupe du Monde. Donc, j'aurais jamais pensé en faire déjà une. Et j'ai cette chance de faire ma 4e. L'équipe de France sous la houlette de son entraîneur part confiante mais vigilante contre le Maroc. Wendy Renard, la pièce maîtresse des Bleus, espère bien poursuivre sa route et une qualification en quart de finale. On vous donne rendez-vous tout simplement pour continuer à nous suivre et on fera tout pour vous rendre fiers. Et pour terminer, nous retrouvons donc Reika Madi qui nous rappelle la campagne de déclaration des biens immobiliers qui se poursuit en format dématérialisé jusqu'au 10 août. Il s'agit de la création d'un nouveau service de déclaration en ligne disponible sur le portail impots.gouv.fr depuis votre espace sécurisé. Gérer mes biens immobiliers, c'est un service qui vous permet de vous conformer à la loi et déclarer l'identité des occupants de vos biens immobiliers. Le service vous donne également la possibilité de déclarer vos loyers en cas de location. Rappelons que la taxe d'habitation est supprimée pour toutes les résidences principales et tous les contributeurs contribuables depuis janvier 2023. Cependant, elle reste applicable aux autres locaux, notamment les résidences secondaires et les locaux vacants. Afin d'identifier les locaux taxables, la loi de finances pour 2020 a mis en place une nouvelle disposition déclarative à destination de l'ensemble des propriétaires physiques ou morales. Vous devez, pour chacun de vos locaux, indiquer à quel titre vous les occupez et quand vous ne les occupez pas vous-même, préciser l'identité des occupants et la période d'occupation. En cas de non-déclaration, d'erreur, d'omission ou de déclaration incomplète, une amende d'un montant forfaitaire de 150 euros par local pourra vous être appliquée. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Mayotte. Japon, Marie-Cane. Partout, partout. Partout, partout. Marie-Cane ensemble. Marie-Cane ensemble. Yeah, yeah. Aïe, aïe, aïe. Le même sang, nous sommes un frère de sang. Norman et Nico, nous la main dans la main. Viens, Marie-Cane ensemble, Marie-Cane ensemble. Norman et Tena, Afikira, Hala. Hey, ah, Daima, la. Daima, Daima. Oh daima, ja daima, ala daima, a daima, e daima, na Muhammadi vous chanter. Voici wananya, we are brothers. Nous savons bien que l'apartheid fini, easy. corner, she want the corner, my location. She want to germinate on top of this my plantation. And if I answer, she go carry me go for vacation. She want to get down, but she know no say me a big gladiator. Mama, the girl a gang galanti, but the damn balance are ready to fire take off. Mama, I know the two shot and come up, mama, me a fi carry your galley take off. Mama, my day make I tell you, I know they want day to like say me a supposed to go holiday, but I want to stay. Galé dans la mer. La première. dédicace à tous les gros. Samatika Diabé, Amtana. Sur la planète. Écoute ta radio sur internet. www.lapremiere.fr. Vipeperushi vina samba. Eti natafutwa. Nimepotea, wiki imekata. Ndugu wamechachama, wananitafuta. Nimepotea, mwezi umekata. Kazi nisionekani, yupo wapi huyu? Simu nisipatikani, yupo wapi huyu? Baba kaniulizia, yupo wapi huyu? Mama aishikulia, yupo wapi huyu? Nimezama katika kina kirefu cha bahari ya mapenzi. Nimezama katika kina kirefu cha bahari ya mapenzi. Sio yanditi pule mwana Rajabu Tatanga. Sijefanywa msukule msipate tabu kumaliza waganga. Amenirudisha shule hesabu maumbo kupanga. Penzi la wasasa mbule lenye protini vitamini na wanga. Ah, ladha yake si se sukari ni vichenza na malimao mechi zake wa hatari ni chenga na mabao kazi nisionekani yupo wapi huyu simu nisipatikani yupo wapi huyu baba kaniulizia yupo wapi huyu mama aishi kulia yupo wapi huyu mimi nimezama katika kina kirefu cha bahari ya mapenzi msinitafute nimezama msihangaike niko salama salama salama qualité ça bail mal à réserve ça pour bana écrit pas toi là yeah man a boom salut to my friend me sort d'un Zion là-bas dans l'océan Indien il appelle la réunion mi emali sa même mon nation. Mais nous connaît pas la sens, bon Dieu la donne à nous pour vivre ici. Pour vivre ici, amai. Si et tout pour nous remercier, là on est dans un grand monde, il veille si nous le soir la nuit. Le soir la nuit, ça même mon Zion, dans le ciel ça soissante. Quand il garde l'horizon, avec mon désir, mon cœur il tremble. Même si Babylone. Nous battons votre bout comme ta marée dans ta cyclone. La réunion, mi et Mali, ça même mon nation, ça même mon nation. La réunion, mi et Mali, ça mon vibration, ça mon vibration. Écoute bien mon causé, oublie pas ton racine, qui ça te saute, qui ça t'y l'est, qui ça t'y l'est. Mamaï, faut vivre dans l'unité, à nous-mêmes la jeunesse, va mener la réunion au sommet, si c'est au sommet, faut arrêter plein à nous les pas misères, les n'avons pas. Tout ça fait dans la montagne, dans la mer, on a tout pour être heureux. La réunion, mi et Mali, ça même mon nation, ça même mon nation. La réunion, mi et Mali, ça mon vibration, ça mon vibration. Qualité, ça baille. À la réserve, elle est pour mon nation. À la réserve, elle est pour la réunion. Moi-même, il n'y a même pas expliqué à ça comment je suis fier d'être réunionnais. Non, ça, il n'y a pas enlevé ça. Ça les donne fond de cœur. Venez comment il est. Ça plus que bonne qualité. Maloya, mon nation, Maloya, tradition. Mayotte. La première.

Ah! It's coming in from Vinca, Thailando. Don't touch the dial. SWC Avenue Radio. Sur 91 en FM. Simwishia, kabulia, raili miye chani jivia, sitabia ndiza mtendea. Sidaria, unahunda, wema jae hara hara enia, buhahe mola tishukuria. Mayotte. Loving you is my devotion. Give you girl full potion. Oh my beautiful addiction. With a sweet vibration. The two of we is a vision. Anytime I slip your name I dimension. So tell me girl where you live. Just me I gonna let the fire blaze. Anytime you want your ways. Watch out, the man, them, they taste. Eddie, man, tell me where you live. Yeah, I've been loving you for days. Anytime you wind up your waist, all of the man, them, they grace. Baby, I dey colo for your love. Colo, colo. I dey mad for your love. Baby, I dey colo, colo. La première. Tu es au sud de Mayotte? Écoute ta radio en FM sur 101.3. Tu habites au nord de l'île? Écoute ta radio en FM sur 103.2. Sur Mamoudzou? Écoute en FM sur 92. Tu résides sur la petite terre? Écoute ta radio en FM sur 91. Écoutez ça. Tu habites en métropole ou partout sur la planète? Écoute ta radio sur internet www.lapremiere.fr. Satsano ikamiliha narudunge mahabari ya dunia haluha ya shmaori. Mahabari vamuja na wazuri ya mwisa atumuwa mrongo. Maraba hafiwato kufuti mezi nizo raskizambeli mabanga 30 jauleni ide ya kumulwa zaudia subuhivanu unumpango wa sukucharu ikaomba madhumuniae de wanakinyume na zitama matena na ukitifu mra unumpanu na zimbanda satwa ya shisirikali ya tolwa rangu mwezi wa Avrili uleraka na orito dukuru ifuari yani desibazari za uhuza na fakaza mgilio likoli mfungumili kabla mgilio likoli hunmaore kumini ya momoji itianzia ni bazari zahe madza zihingu jama zahaza hazari todukuru buli ya mindu na malangazo ya ulemengu meso mfumwane wa Faransa wa sugonga na naishama ya Maroko atala ukana malangazo wa Faransa wa waswafil awali be kapiteni Wendy Ronari ana mwanafaza Berabuzi haukuti nede zigidagida za mwezi nane wa Julieti ule wabira komini ya Dembeni gidagida ikomba astongesa watu waili wao wakozo mana waremwa shombo wa magari ikomba yao ya pasula pasula na nguwizi za fangishia sukuyo mengona wao ikomba wagamatiwa na sirikali mwana mta ikomba wae asuungia maha kumi na minane yae walae waeka sinata waeka juluhana na turbinali wae ijimwa iliabira afangishia ini hiroa komparisyon imediati yani ya belewa lalhafula mbeliza hakimu umonvanu ajare mwazifungo ya mahamitanu ya ubaliwa isa umonvanu asubalizo asuharamizo ulababu mbakasina ruhusa ya ungia tena harumwa ishisiwa ya shimaore vandrezorongro madza alala la joli Risuja na habari yangine nede mabanga ya para 30 jauleni ikomba yao ya handiso komoloa harima mra zaudze nyambotiti uwa nyumba bani ikomba wizo zika nyumba za beton uwa ikomba zinizika za toli za waha wa harima ishanza ya sirikali tu hususwani karibu na ibahari na mkomole unu uto vira skutaru jauleni na ini de hata sababu isatua kamba wirengo arangu mwezi wa Avrili ule wabira narpare maelezo ya Sylvia Devasi unda shabili hanao na mtoleo nyumba urdezini hunu maore astafasirua na Shafandi Alibako. Leo risko mwa nyumba za tama kaza stahiki 27 za wahwa bila ruhusa. Ngujama 10 na shendra dezako enshimon vani. Prefe waya shindi aparavahanu ya utria ngujama 11 mengon mwazu. Iji mwa ya vira ngujama taru leza kubadi. Rangu ya hoa, CCAS ya zaudi ridishi watu haulahiki watuani. Neka watahu arege nyuma wastaha ruwazungushihe vahanu ile waketi. Ata leo CCAS ibua. Asubuhi vani, rtojwa rongwa mbaka voici tena mtu. Tsoka uyotia enshio moni na nyumba za tamazini. Mpango unu, wakolindiliwa swafi rangu hale, satuwa ikairengwa rangu avrili vwa watu wakawashtaki be hakimu arukubalia. Ari sujana zangine tina nede zifuari, zibazari, komba zusu handrisa ubua vole vole, mfano harma ikomini ya momoju hunu mabanza mararu, ya tujawe lahiki rangu zungu jama, atawa ni wahuduzi, tukade ulabanta rangu mfumo luwabira, mwiso mfumo luwabira, swamahani, ata mwezi kumi na shindra wa utu, na vani la meri, wae wangilia na nazama mbali nambali, ile waje wabide tena wani wahuduzi, narpare mele Je suis Fatima Mswali, unu huwae wakala, la Miriam Mungoju, asji maswala ya Jamila Swadiki. Mahamira rui ni lubani, unu mahawafi na wararu, wambia mba rtukana wawo bavu na hao kila kati, wakatu wafuari, za likoli, za tumuni, za kila wakati tuka wahirudemandia, wasu identifiye wakati, demana tarashukiza pare ilika wakani jitihadi, Washine waezitia na uzitia muna zi kartie. Ari wava ya bahali wa hamwazi autorizasyo hamwazi plasi za shilameri waju wa jestale na mabidoyo hamwazi kartie nyangu mwahaunu ituka di rudu komersia mumojo hau wakazi wa luhunu mumojo ya hari ituka wajau kaweni hau mumojo ya nuru wa muja na pershwari kavani ya muju ya uti. Ari somboza na mula wa utungesa mtu atamuke izi la teteza heneka mtu anamilikia he ya husu nyumba mtu ajua aiwadzirisa wa nyumba ya mtu basi babu msambilwa amba mukana taupara mwezi 31 wa Julieti taija mwezi monti wa utu basi banu harmanzia za shi interneti msubolati na mula wangine ta mwezi kumi wa utu mujitamuke na munvanu himash Chartu hideyani ajao kama releze Raika Madi. Inishkandri ya nyumeni ya tuluanziani ikaomba mtuipara hanzia za interneti maenda mpo.gov.fr. Na vani devani mtutekeleza pia zinyumbazanyo muliona zovavo ilepare mudunge isharia wantu wajue mbani daketi yawe nyumba hivi. Na ini tena ushabaha mtu tekeleza marike azipara oneka nyumba za ezini asizajirisa. Hauna haniza amba nirongolo tax d'habitation yo madzai zimwahati rangu mwanro onumaha mwezi janvi wa mwa 2023 be i tax d'habitation yo ya vavo neka mna nyumba zangina zinzirongolo residence secondaire. Au nyumba ikaomba izo kamsisketia. Be hautaha wantu wajue neka mtu asketi vani leo isatua itianziani mpango ya utaha kula mtu alona nyumba nekadi halizinalahe nafsia au ya antreprizi atekeleze na mnajeje mtu aketi yao unyumba ini rangulini au neka mtu angina daketuo vani watu wajue asketi vani dembani ata wakati chini. Haunani zatumba neka deklarasyon zini mtu kazifanya au mtu afanya kosa au Trongo itoko yontika mbaka ya lunganzi ya basi na jue ambavavu atoshinda pare la manda ya eromia wa hamsini na kakula nyumba ikawa mbaweka ideklari. Riso jana bulia mindu tu haushashi nedo mshidzani tu mba sukia meso isha mashfaransa rama mashinda na ule mengu weo singaza deini witiem de finali ya lukopwa basi wawato gungana na imaroku na vani faransa wio ya swafil awali de be unuwendi ronari de kapiteni hiwa wato shashfaransa wae garungwa ana manafaza manapabi tala ukana alo vani wawadu alo swafil awali bwe wawo garungwa mba tushina kamwe washinde imaroku babu ya tufahamu na mwengeza ni tu amba malangazuli ni mtu jamulunge hunu mayotla promieri ula ya sanane ya mtana ya suku ya meso. Ari suja hun maore hao maliza na mwambiani matembezi ya bahari kamba ya fangisha jana mfumobili na lishirika la Montabori ni ufanya malanga zo au ursorongwa matembezi ya shibahari harumwa inihiroa ukayaki harumwa albavu la momoju ibahari ya momoju suswani vani watu ndao sofi wa shuhudia denihiroa izisiwa le quatre freri Nadia Ali wa waka munvanu na Solène Anson. Upashia kayaki momoju iyo tungwifanyishi hao. Rangu uvumuzi wa Andrisa, Joan, asiva ushabaha watu wapashe paddle na kanoe. Uselia baharini harmwa bamba mzuri wa maore, unu ushabaha ya uona rasun mali zangina. Banda ya dakika 30 zaure makasi, owasili ivo. Et toi, du coup, quand tu vois ça, t'en penses quoi ? On a de la chance d'être ici. Maori, c'est toujours ma cave, activité cave malanga zo maori. Nerengala, le homme a commis à toi, mamoudour, na bahatir, amba, leor na kayaki, on joue fin directement. Uvumuzi, monaspor, nekaweke, au hashikao. Aïe, ça, ça fait une trabangue. Madame, tu as fait un tihe, à toi, tu parles à ou le bé, n'zuri. Tskana zamangu. Oui, il est à Kore Makas. On met ça dans tout mon moyen kayaki. Ça coffre un tachit. Karibu na Shiswazini, unu uzuri kauna mfano. Wona wanazisiwa wa momoju, mari wananya wanne wanu au mihoko ya kawini, wavuta wakati. Matembezi ya lira moja wa nusu ya Kore Makas, unu uzuri wa ubwaroho. Upashia kayaki iyo chungu mfanyishi ha, kudla suku harumwa muhawa kamili. Na debabu darati ya kifuli gazeti marababu mardunga hajiti hadi nsumnisha ni moja na hafi uku mwema. Ma baya nguna wawe, nurifu lira.